attraper la dingue dans le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques ou même pourquoi pas en Seine-Maritime ou à Paris, c'est désormais possible puisque selon les dernières données, le moustique tigre vecteur de la dingue Aedes albopictus est désormais implanté dans 58 départements de métropole, donc dans plus de la moitié du territoire, faisant craindre des épidémies endémiques de dingue sur ce territoire métropolitain alors que la maladie a très longtemps été cantonnée aux régions tropicales. Il faut dire que la dingue est en pleine expansion épidémique, le nombre de cas a été multiplié par 8 dans le monde en 20 ans et la maladie menace aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale. Grippe tropicale, une histoire de dingue, c'est le programme fiévreux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette maladie, son évolution, son traitement et les différentes façons d'empêcher qu'elle ne continue sa progression à la surface du globe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui André Cabier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Martinique. Et Louis Lambrecht, bonjour. Louis Lambrecht, bonjour. Bonjour, vous êtes responsable de l'unité interaction virus-insectes à l'Institut Pasteur. Mais on commence par faire le point sur l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. On commence ce journal avec un autre virus, le coronavirus et deux nouveaux variants du SARS-CoV-2 qui auraient été découverts aux États-Unis, Natacha. Et plus le virus se répand, plus il y a de chances qu'il évolue. Après le variant anglais, après le variant sud-africain et brésilien, voici donc deux nouveaux variants américains. Dans une prépublication parue sur le site de BioArchive, les chercheurs rapportent l'évolution de deux nouvelles souches découvertes dans la ville de Columbus. Alors, ce papier n'a pas encore été validé par les pairs, mais selon lui, le variant baptisé COH20G501Y porte trois mutations génétiques inédites, jamais vues auparavant. Elles affectent la protéine de pointe qui cloute la surface du SARS-CoV-2 et à l'instar de ses homologues britanniques et sud-africains, ce variant serait potentiellement plus transmissible. On ne sait pas encore hein, s'il provoque des symptômes plus graves, mais de fin décembre à début janvier, dans les écouvillons nasopharyngés de Columbus, ce virus serait devenu prédominant. Quant au deuxième variant américain, pour le moment, aucun autre patient n'a été identifié, on ne connaît donc pas la prévalence de cette souche. Par ailleurs, en France, les épidémiologistes craignent que le variant anglais devienne, d'ici le mois de mars, le virus prédominant, avec le risque de voir deux dynamiques épidémiques se superposer, de voir une épidémie dans l'épidémie. Et on continue de suivre très près l'évolution de ces différents variants, ainsi que de cette pandémie de Covid-19 dans le Journal des Sciences tous les jours, et sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site franceculture.fr. On passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Communications, pour la première fois, des chercheurs ont réussi à faire marcher à nouveau des souris paraplégiques. Et les lésions de la moelle épinière provoquent, a priori, des dommages irréversibles, puisque les axones sectionnés, qui font circuler les informations entre le cerveau et les muscles, ces axones ne repoussent pas. Une équipe allemande a expérimenté une nouvelle approche prometteuse. Des souris paralysées ont suivi une thérapie génique à base de protéines de synthèse, la protéine hyperinterleukine 6, qui est connue pour stimuler la régénération des cellules nerveuses. Par injection d'un adénovirus, les souris ont produit elles-mêmes cette protéine. Au bout d'une vingtaine de jours, elles ont retrouvé l'usage de leurs pattes. Reste à savoir si cette nouvelle approche est profitable aux humains. La NASA va finir par abandonner sa taupe et donc renoncer à creuser sous la surface de Mars. Oui, depuis 2018, l'atterrisseur InSight a pour mission l'étude de l'intérieur de la planète Mars. Parmi les instruments embarqués, il y a une sonde thermique, surnommée la taupe. La taupe devait creuser jusqu'à 5 mètres de profondeur pour mesurer la chaleur intérieure du sol. Depuis 2 ans, ces nombreuses tentatives d'enfouissement se sont toutes soldées en échec. Les caractéristiques des roches martiennes l'ont empêché de s'enfoncer profondément. La mission de la taupe prend donc fin, mais la mission InSight continue. Et enfin, les deux derniers rhinocéros blancs du Nord vont avoir droit à une PMA. Ouais, le rhinocéros blanc du Nord va peut-être être sauvé de l'extinction. De cette espèce, il ne reste plus que deux femelles qui sont placées sous garde armée 24 heures sur 24 dans une réserve au Kenya. Le dernier mâle de cette espèce est décédé en 2018, mais son sperme a été congelé. La veille de Noël, la fécondation in vitro a marché. Les ovocytes prélevés des deux femelles ont donné 5 embryons viables. Ces embryons, un cryoconservé, devraient être inséminés dans les prochains mois. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. L'écrasante majorité des cas de dengue est asymptomatique, entre 50 et 90% de ces cas selon les études. Pour une autre écrasante majorité, il s'agit d'une forme modérée qui se résorbe après quelques jours d'une fièvre certes assez poussée et d'un état de fébrilité très désagréable. Le problème, c'est pour les 1 à 5% de personnes qui peuvent, elles, développer une dengue sévère qui peut aller jusqu'à des formes hémorragiques mortelles, et spécialement chez les enfants de moins de 15 ans. Or, si la dengue a pendant longtemps été appelée la grippe tropicale, puisqu'elle était cantonnée dans ces zones propices à la prolifération du moustique tigre, ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec l'expansion de cette zone également porteur de la zone de prolifération, pardon, de ce moustique également porteur des virus Zika et Chikungunya, bien en dehors de ces zones strictement tropicales. Le moustique tigre aurait ainsi colonisé plus de la moitié du territoire de France métropolitaine, avec 58 départements, essentiellement dans la moitié sud et en région parisienne. Écoutez cette archive qui a déjà plus de 20 ans puisque nous sommes en 1999 dans le journal de France Inter. Tous ceux qui ont vécu dans des zones tropicales ont entendu parler de la dengue, une maladie aux conséquences dramatiques véhiculée par les moustiques. Dans le tiers-monde, elle tue tous les jours des centaines d'enfants. Eh bien, figurez-vous que cette maladie terrible a débarqué il y a quelques années en Europe, en Italie, en Albanie, et qu'elle est en route, Hélène Gardin, pour la France. Mais oui, parce que cette maladie tropicale risque de devenir une maladie des pays européens. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que l'un des moustiques qui véhicule le virus responsable de la dengue s'est parfaitement adapté et se plaît même beaucoup sous les climats tempérés. Alors ce moustique s'appelle Aedes albopictus et il aime beaucoup l'eau croupie, contrairement à sa cousine l'Anophèle, vecteur du palu, qui elle n'aime que l'eau claire. Donc notre Aedes albopictus a pour gîte domiciliaire, ça s'appelle comme ça, la noix de coco ou la calebasse ou stagne de l'eau et les vieux pneus d'occasion. Et les larves de ce moustique voyagent, comme nous tous, en voiture. Actuellement, les mouvements de population sont tellement importants à travers le monde que ce moustique est arrivé en effet aux portes de la France et qu'il est donc sérieusement question, déjà pour commencer, de démoustiquer, là c'est aussi le mot, les conteneurs de vieux pneus, par exemple, à l'arrivée sur le territoire français. Alors la dengue, la maladie, est le plus souvent, il faut quand même le dire pour rassurer nos auditeurs, une infection bénigne, mais qui est très surprenante car elle est très brutale et d'une heure à l'autre, la fièvre monte. Des maux de tête, des raideurs du cou et du dos, des douleurs musculaires sont observées et durent pendant plusieurs jours. Et comme toutes les infections virales aiguës, elles fatiguent beaucoup et pendant longtemps. Voilà, nous étions en 1999. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre. 20 ans après, c'était le début de la colonisation du territoire métropolitain et de l'Europe continentale par ce moustique tigre. Où en est-on aujourd'hui, André Cabier ? Eh bien, donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que non seulement effectivement le moustique tigre a continué son expansion, mais que dans les zones tropicales, on a à la fois selon les zones présence de ce moustique tigre Aedes albopictus, mais aussi Aedes aegypti, qui est implanté en zone tropicale asiatique et américaine depuis très longtemps, et qu'on a aussi une progression de ces moustiques. Donc la dengue est vraiment à considérer comme une maladie émergente. C'est un peu un terme à la mode, mais c'est vrai que même si c'est pas une maladie nouvelle, les zones géographiques affectées par les moustiques vecteurs sont croissantes, et dans les zones anciennement concernées, eh bien, on observe de plus en plus de cas, notamment par exemple dans la zone Amérique, où globalement, au cours des 10 dernières années qui viennent de se passer, on a assisté à une véritable expansion de cette maladie. Il y a la zone Amérique, si on continue à rester en France, mais en France ultramarine, la Réunion connaît en janvier 2020, l'année dernière, sa pire épidémie de dengue depuis les années 70. Louis Lambrecht, ça veut dire que ça n'est pas que les territoires tempérés qui sont préoccupés par cette invasion du Aedes albopictus, du moustique tigre, mais qu'on assiste finalement ni plus ni moins qu'à une véritable épidémie, pandémie mondiale de dengue. Oui, alors c'est sûr qu'au départ, la dengue, on l'appelle la grippe tropicale parce qu'elle vient des tropiques. Mais c'est actuellement une maladie qui est en train de se tempérer dans le sens où le moustique tigre progressant sur le territoire des pays tempérés comme celui de la France métropolitaine, le risque devient présent. Par contre, je précise d'emblée que historiquement et actuellement, à l'échelle mondiale, le vecteur principal des virus de la dengue, ce n'est pas le moustique tigre, hein, c'est un autre moustique qui s'appelle Aedes aegypti, qui est le moustique principal vecteur de la dengue. C'est lui le plus dangereux, en quelque sorte. Le moustique tigre est un vecteur, mais secondaire. Il est capable de transmettre les virus, mais peut-être moins efficacement que son cousin, Aedes aegypti. Mais qu'on appelle moustique tigre aussi, d'ailleurs, par ailleurs, dans le langage vernaculaire. Non. Non, ah non, on l'appelle que c'est pas son nom courant. Si on doit l'appeler de manière plus familière, ce serait le moustique de la fièvre jaune. C'est D'accord. ça son nom vernaculaire. OK, très bien. Ce qui signifie aujourd'hui, André Cabier, que on a déjà trouvé, on peut trouver ou on va trouver dans les années à venir des cas de dengue endémique sur le territoire métropolitain en France, mais on peut sortir de la France, on peut dire je ne sais pas en Espagne, en Italie, pourquoi pas en Allemagne, sans que cela concerne des gens qui aient voyagé dans des zones qui sont a priori infestées? Alors, ça fait plusieurs années qu'on observe des introductions régulières de dengue, et notamment lorsqu'il y a des épidémies dans les territoires français ultramarins. Il y a beaucoup de cas importés qui arrivent en France, chez des voyageurs principalement, et on décrit depuis plusieurs années des cas autochtones, donc une transmission locale dans le sud de la France, mais aussi, comme vous l'avez dit, un peu partout dans le sud de l'Europe. Alors ça, ce n'est pas suffisant pour déclencher une épidémie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un début de transmission suite à une introduction par des voyageurs sans que forcément on ait une amplification de la transmission et une épidémie. Mais c'est vrai que avec l'augmentation du territoire concerné par Aedes albopictus, plus le fait que cet Aedes albopictus reste présent de plus en plus longtemps au cours de l'année, progressivement les conditions sont de plus en plus favorables pour qu'on puisse avoir des départs d'épidémie, mais voilà, en sachant que, comme on l'a déjà dit, Aedes albopictus est en tout cas actuellement moins performant pour transmettre le virus de la dengue, mais c'est vrai que c'est un risque réel pour les années à venir. Louis Lambrecht, à ce propos? Oui, moi je me rappelle, il y a quelques années, on plaisantait quasiment en disant qu'un jour le moustique Aedes albopictus, donc le moustique tigre, serait aux portes de Paris. Eh bien, en fait, ça s'est vérifié beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, puisque c'est dès l'année dernière que les premières colonies d'Aedes albopictus ont été décelées dans la région parisienne. Même si le moustique seul ne suffit pas à déclencher une épidémie, la présence de ce moustique et l'importation très fréquente de virus dans le sang des passagers qui proviennent de régions où le virus circule de manière endémique fait que ce risque il a été considérablement accru et il augmente d'autant plus que le moustique Aedes albopictus continue son inexorable extension. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de la dengue. Tout au long de cette heure, on est à 4 milliards de personnes concernées aujourd'hui par les zones où la dengue sévit, c'est-à-dire plus de la moitié de la population mondiale. On va faire un point sur l'épidémiologie exacte de cette maladie dans quelques minutes. Nous en parlons avec André Cabier et Louis Lambrecht. Mais peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler, André Cabier, ce que c'est exactement que la dengue? Depuis quand on a une trace de cette maladie dans l'histoire de la médecine? Et puis, quelle est la forme ou en tout cas l'expansion qu'elle a pu connaître ces dernières années à la surface du globe? Alors c'est une maladie qui a été décrite depuis très longtemps, bien avant qu'on sache ce que c'est qu'un virus et qu'on connaisse la virologie, ce qui fait que d'ailleurs maintenant on se pose la question lorsque on voit des récits d'épidémies de dengue, notamment dans la zone Amérique, aux Antilles, à Panama, etc. C'est là où on a eu les premières descriptions. On se demande s'il n'y a pas aussi d'autres virus qui sont impliqués, notamment le virus du chikungunya. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, c'est un virus qui probablement comme les autres arboviroses de ce type, a pris naissance en Afrique équatoriale, mais ça fait plusieurs siècles que ce virus concerne toute la planète. Alors, une des particularités, je pense que c'est important d'en parler maintenant parce que on va revenir dessus plusieurs fois. Bien sûr. Une des particularités de la dengue, c'est qu'en fait, il n'est pas provoqué par un seul virus, mais en fait, il existe 4 virus de la dengue. On parle de 4 sérotypes qui sont numérotés de 1 à 4. Et notre réaction vis-à-vis de ces 4 sérotypes est assez particulière. C'est-à-dire que lorsqu'on est infecté par un premier sérotype, une première infection, on parle de dengue primaire, eh bien, on va le plus souvent, cette infection sera asymptomatique ou provoquera peu de symptômes, notamment quand elle survient chez l'enfant. Et puis, on va fabriquer une immunité protectrice contre ce sérotype. Mais uniquement ce sérotype, on ne sera pas protégé contre les 3 autres, ce qui explique que dans sa vie, on peut avoir 4 fois la dengue. Mmh. Vous parlez d'infection asymptomatique, je le disais dans la présentation de cette émission, on dit entre 50 et 90%. Vous avez des données un peu plus précises que cela ? Alors, c'est très compliqué de travailler sur les infections asymptomatiques parce que les définitions sont pas les mêmes dans toutes les études. C'est-à-dire que parfois on considère que asymptomatique c'est vraiment aucun symptôme, et parfois on considère que c'est absence de symptômes typiques de dengue. Donc déjà c'est un peu compliqué. Et justement, c'est important parce que la proportion de formes symptomatiques ou asymptomatiques va varier selon l'histoire personnelle qu'on a eue vis-à-vis de ces virus. Comme je vous le disais, première infection, notamment chez l'enfant, le plus souvent asymptomatique ou peu symptomatique. La deuxième infection, c'est le moment où on risque d'avoir une dengue grave, même si on peut avoir une dengue grave au cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième infection. C'est au cours de la deuxième infection que ce risque de dengue grave va être le plus élevé. Et en fait, il est le plus élevé. Alors, il y a une théorie qui a maintenant une quarantaine d'années qui est... On va peut-être y revenir sur l'infection secondaire et comprendre effectivement ce que c'est que une dengue primaire modérée et les dengues dites sévères. Peut-être qu'on peut préciser avec vous, Louis Lambrecht, avant cela, ce que c'est exactement. Donc on l'a dit, c'est un arbovirus. Qu'est-ce qui se passe exactement au moment de l'infection dans le corps? Quels sont les symptômes? Quel est le cycle de la maladie? Oui, alors effectivement, c'est un virus, ou plutôt des virus, puisque comme André Cabillet l'a précisé, il s'agit de 4 virus distincts qui sont néanmoins reliés. Ces virus font partie de la famille des flaviviridés, le genre flavivirus, qui lui-même contient d'autres virus pathogènes pour l'homme, comme celui du Zika, celui de la fièvre jaune, parmi d'autres. Et donc ces virus ont la particularité d'être transmis à l'homme par la piqûre d'un arthropode. Et c'est de là que vient le nom arbovirus, arthropod-borne virus en anglais. Et à l'origine, pour revenir un peu sur l'histoire de la maladie, ce sont des virus qui circulaient dans des cycles dits selvatiques entre des moustiques forestiers et des primates non humains vraisemblablement. Et à un moment donné, un peu comme pour d'autres virus émergents, y compris les plus récents, je pense à Zika, je pense au SARS-CoV-2, le virus déborde, comme on dit, dans la population humaine, c'est-à-dire qu'il va passer de ce cycle selvatique à un cycle de transmission interhumaine. Et pour la dengue, ça remonte à sûrement des siècles et des siècles. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a eu lieu, mais on parle de centaines d'années au moins. Parce qu'il peut y avoir une transmission interhumaine de la dengue, c'est-à-dire que ce n'est pas que une maladie vectorielle, on ne peut pas l'attraper qu'en étant piqué par un moustique. Si par exemple un membre d'une famille attrape la dengue, il peut la transmettre à d'autres membres de sa famille? Alors il y a des cas très rares de contamination par transfusion sanguine, des cas très rares, vraiment rarissimes, de transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, et de transmission sexuelle, mais la grande majorité de la transmission se fait par l'intermédiaire du moustique. On reviendra sur le cycle justement de transmission de cette maladie et quel est le rôle central du moustique, hein, qui ne se contente pas de piquer et de porter le virus d'un maître à l'autre ou d'un partenaire à l'autre ou d'un membre d'une famille à l'autre. On va voir qu'il joue un rôle important dans le développement du virus. Juste pour revenir, Louis Lambrecht, je vais vous laisser poursuivre sur la maladie à proprement parler. Une fois que le virus a été inoculé, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les cellules cibles qui l'infectent et quels sont les symptômes que cela provoque? Alors, le virus, une fois qu'il est inoculé par le moustique, il va se développer dans différents types cellulaires. Alors là, j'espère qu'André Cabier pourra compléter, puisque je ne suis pas forcément spécialiste de la partie clinique. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans ces cellules qui sont cibles, et je pense notamment à des cellules immunitaires comme les cellules dendritiques, le virus va se multiplier et causer ou ne pas causer des symptômes. Donc on estime que dans environ 3/4 des infections, les symptômes sont modérés, à tel point qu'ils ne sont pas détectés par les systèmes de santé publique. Mais dans 1/4 de ces infections, donc, les symptômes sont plus sévères, voire très sévères, et la personne va souffrir de maux variés qui ont été décrits précédemment, allant de la fatigue et de la fièvre, qui sont les symptômes les plus communs, à une hémorragie interne qui, elle, peut causer la mort. Pour les cas les plus sévères. André Cabier, sur justement l'étiologie, la symptomatologie et puis les mécanismes viraux de la maladie. Alors oui, effectivement, donc en fait, il y a une phase de réplication initiale du virus qui est complètement silencieuse dans la région du site de piqûre par le moustique, et puis ensuite l'amplification de la multiplication du virus va faire que le virus va gagner l'ensemble du corps, principalement par voie sanguine, et c'est au moment où on a cette réplication dans le sang que va apparaître, et donc très brutalement, comme ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, le début des symptômes avec une fièvre importante, des maux de tête, des douleurs. C'est vraiment une maladie qui fait mal, des douleurs dans les muscles, des douleurs dans les articulations, des douleurs dans le dos, des douleurs derrière les yeux. Donc la fièvre, dans la moitié des cas, des signes digestifs. Et donc ça, c'est vraiment le moment où le virus est présent dans le sang, circule dans le sang, et il va donc déclencher une réaction inflammatoire, une réponse immunitaire innée importante chez les individus, donc variable d'un individu à l'autre, mais quand c'est symptomatique, important. Et il va généralement être éliminé à la suite de ce passage dans le sang, mais il pourra, dans certains cas, atteindre des organes comme le foie, comme le cœur, comme la rate, comme le système nerveux central, et à ce moment-là, dans ces cas-là, provoquer des manifestations plus graves. Mais heureusement, c'est une éventualité qui est rare. Les cas de dengue sévère donc concernent entre 1 et 5% des cas, c'est cela, en termes d'épidémiologie, oui, André Cabier? Oui, c'est à peu près ça. Et alors, c'est vrai que les dengues sévères, il y a plusieurs causes possibles, mais pour répondre à votre question, il y a aussi quelque chose qui est particulier dans la dengue et qui n'est pas spécifique, hein, qui se voit dans d'autres infections, mais la gravité est due à ce qu'on appelle un syndrome de fuite plasmatique. Donc, en fait, ce syndrome de fuite plasmatique, c'est vous savez qu'au niveau de nos petits vaisseaux sanguins, au niveau des capillaires sanguins, eh bien, on a la paroi des vaisseaux sanguins est constituée de cellules qui sont reliées les unes aux autres de manière étanche pour que le sang reste dans les vaisseaux sanguins. Eh bien, dans ces formes graves de dengue, il va y avoir une disjonction de ces cellules qui constituent la paroi de nos vaisseaux. Alors, une toute petite disjonction, mais qui fait que les protéines présentes dans le sang vont sortir du sang, avec elles l'eau, des ions comme le NaCl, comme le sel, et donc ça va entraîner un transfert de liquide des vaisseaux sanguins vers ce qu'on appelle le milieu interstitiel, c'est-à-dire vers les tissus. Et donc ce phénomène bien particulier, qui est complètement réversible en 48 à 72 heures, ce phénomène particulier peut être le début des formes très graves avec état de choc, avec hémorragie. Mmh. Est-ce qu'on explique correctement le fait que beaucoup de ces cas graves peuvent concerner des enfants de moins de 15 ans, André Cabier? Alors, ça dépend où on se trouve dans le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants de moins de 15 ans, c'est vraiment l'apanage de l'Asie. Lorsqu'on regarde, par contre, les études épidémiologiques en Amérique, on se rend compte que les formes graves concernent plutôt les adultes jeunes. Et donc ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la deuxième infection par un virus de la dengue qui est la plus à risque de formes graves. Et donc, c'est en Asie, où on a une transmission très importante du virus de la dengue, dans certains pays comme la Thaïlande, par exemple, où on a une transmission continue, eh bien, les tout jeunes enfants sont infectés une première fois. Parfois même, d'ailleurs, si les mères sont infectées, ils vont recevoir les anticorps maternels, ce qui va, sur le plan immunologique, faire comme une première infection. Et lorsqu'ils seront infectés une deuxième fois, à ce moment-là, c'est là où on va observer les formes graves. C'est ce qui voudrait dire, ou ce que je comprends en tout cas de ce que vous dites, c'est que finalement, si les enfants de moins de 15 ans sont plus touchés ou développent plus de formes graves en Asie, c'est presque une conséquence statistique de la quantité d'infections qu'il peut y avoir dès un très jeune âge, et ce qui fait que finalement, la deuxième infection va arriver beaucoup plus tôt chez les enfants en Asie, qui est plus touchée que dans le reste du monde. C'est bien cela ? C'est exactement ça. Oui. C'est vrai que plus on a en fait une transmission permanente du virus, plus on a ce risque chez les jeunes enfants, alors que dans les territoires où on a plutôt des épidémies, comme par exemple aux Antilles françaises, en Guyane, on a des épidémies tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. Entre les épidémies, il se passe quasiment rien, et donc du coup, c'est vrai qu'on a un profil de personnes touchées, de personnes avec formes graves différents, et avec des enfants ou des adultes jeunes, des enfants plus grands ou des adultes jeunes. Mais alors, Louis Lambrèche, qu'est-ce qui se passe exactement lors de cette dengue secondaire pour qu'elle soit plus sévère que la forme primaire, c'est-à-dire la première fois que l'on contracte la maladie? Alors là, les spécialistes ne sont pas tous d'accord entre eux, mais il y a quand même un consensus sur le fait que les anticorps qui réagissent contre la première infection, enfin qui ont été générés lors de la première infection, vont aggraver finalement une seconde infection hétérologue, c'est-à-dire une deuxième infection avec un autre sérotype, parce que au lieu de neutraliser le virus, ces anticorps, puisqu'ils reconnaissent un peu moins bien l'autre sérotype que celui pour lequel ils ont été créés, ils vont paradoxalement faciliter cette deuxième infection. Et ça se passe dans une fenêtre assez étroite de concentration d'anticorps. Donc les anticorps peuvent être protecteurs à une concentration suffisamment élevée, mais quand ils sont dans une concentration plus faible, finalement, ils vont faciliter l'accès du virus, en quelque sorte, aux cellules immunitaires notamment. Et donc, de ce point de vue-là, quand on a été infecté, finalement, on est, statistiquement en tout cas, plus à risque de faire une infection avec forme sévère lorsqu'on est réinfecté. On en avait parlé au tout début, pendant les premiers mois de l'épidémie de Covid-19, cette inquiétude que les anticorps puissent devenir à un moment donné facilitants et fassent que la deuxième infection ou la nouvelle infection virale soit plus sévère que la première. Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose, André Cabier, sur ce mécanisme d'anticorps facilitants qui est très contre-intuitif, hein, puisque les anticorps, c'est ce que nous développons précisément pour nous protéger de ces antigènes, de ces agents infectieux qui pénètrent notre organisme. Alors, ce phénomène de facilitation immunologique a été effectivement décrit avec d'autres virus. On a aussi craint, par exemple, qu'il y ait ce type de réaction entre le virus Zika et les virus de la dengue, puisque le virus Zika est très très proche des virus de la dengue, et d'ailleurs on n'a toujours pas de réponse définitive à ce propos. Il faut bien différencier la facilitation immunologique vue au laboratoire à travers des tests in vitro faits au laboratoire et ce qu'on observe réellement chez les personnes. Et c'est vrai qu'il a été dit que cette théorie d'anticorps facilitant ne fait pas encore l'unanimité des chercheurs, même si on a de plus en plus d'arguments pour penser que d'une manière ou d'une autre ça existe quand même. Et c'est vrai que là on est sur un modèle très particulier avec la dengue, puisque on a 4 virus très proches mais quand même différents qui provoquent la même maladie, et ça c'est vraiment très particulier comme situation. Il y a d'autres théories concurrentes pour expliquer que ces dengues secondaires soient plus facilement sévères que les dengues primaires, André Cabier ? Eh bien écoutez, non. Alors c'est vrai que cette gravité des dengues secondaires, elle est très clairement montrée par les études épidémiologiques. Toutes les études dans tous les endroits du monde montrent qu'il y a un sur-risque de dengue grave lorsque on fait une deuxième dengue. En revanche, il y a de véritables dengues graves avec syndrome de fuite plasmatique chez des personnes qui ont un premier contact avec un virus de la dengue. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est toujours gêné, puisque finalement, le mécanisme de facilitation ne peut pas être incriminé pour une première dengue. Mais ça marche pas dans tous les coups, donc il y a encore des choses à trouver pour expliquer ces phénomènes de dengue grave. Paradoxalement, ou peut-être pas paradoxalement, mais en tout cas contre-intuitivement là aussi, Louis Lambrecht, la dengue secondaire donc est celle qui présente le plus de cas de formes sévères par rapport à la dengue primaire, mais en revanche les dengues suivantes, puisqu'on peut l'attraper jusqu'à 4 fois, 4 sérotypes différents, ne sont jamais aussi sévères que la dengue secondaire. ou très peu en tout cas. Oui, en général, c'est vrai que les dengues tertiaires et quaternaires, puisqu'on peut l'avoir jusqu'à 4 fois, sont peu ou pas symptomatiques, puisque d'avoir développé 2 types d'anticorps protège en général contre les 2 autres. Alors j'imagine qu'il y a des exceptions à la règle, mais le plus souvent, effectivement, on ne s'aperçoit plus qu'on est réinfecté à partir du moment où on a eu 2 fois la dengue dans sa vie. Mais pour venir aux théories qui existent pour expliquer ce phénomène, au moins qu'on observe statistiquement, de la forme plus grave de la dengue quand c'est une infection secondaire, elle a peut-être perdu en vigueur, hein, et c'est plutôt la facilitation par les anticorps qui est le coupable probable. Mais pendant un moment, on pensait que c'était des souches de virus qui potentiellement avaient une aptitude plus ou moins grande à causer une dengue sévère. En tout cas, quand la dengue hémorragique est apparue pour la première fois dans les années 80, ça avait été associé à un certain génotype de la dengue 2. Et on avait pensé que c'était ce type de virus, donc un variant du virus en quelque sorte, qui causait la dengue sévère. Alors, dans les faits, je pense que c'est pas l'explication ultime, mais peut-être que ça joue une petite part de la variation qu'il y a dans la gravité de la maladie, et peut-être que c'est aussi ce qui rend les choses un peu plus compliquées et confuses parfois, parce qu'il n'y a peut-être pas que la facilitation par les anticorps qui explique la gravité des symptômes de la maladie. On va continuer à parler de la dengue en votre compagnie à tous les deux. On va bien sûr maintenant s'intéresser aux thérapies, on va poser la question du vaccin, mais surtout on va s'interroger, puisque il monte chaque année un peu plus haut dans l'hémisphère nord, sur la lutte contre le vecteur, contre ce fameux moustique Aedes albopictus. Fire. Fire Burns d'Iringa, comme toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons de la dengue tout au long de cette heure en compagnie d'André Cabier, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Martinique, et Louis Lambrecht, qui est responsable de l'unité interaction virus-insecte à l'Institut Pasteur. Nous allons donc aborder les différents traitements contre la dengue. Vous allez voir qu'ils sont assez vite limités. Néanmoins, une étude récemment publiée dans la revue Cell Reports a identifié de nouvelles cibles antivirales contre la dengue. Et vous êtes allé à la rencontre de l'un des auteurs de cette étude à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Céline Nezen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, et pour mettre au point des antiviraux, il faut, comme pour tout virus, en premier lieu pouvoir identifier l'ensemble des facteurs cellulaires qui interagissent avec le virus au cours de sa réplication. Car c'est bien en comprenant comment s'opèrent ces mécanismes au niveau moléculaire protéomique qu'il est possible de poser une stratégie efficace. En l'occurrence, dans ce cas, il s'agit de pouvoir inhiber certaines de ces molécules, les protéines dites non structurales, qui permettent au virus de se répliquer dans l'organisme. L'enjeu est donc de bloquer l'action de ces molécules pour endiguer l'infection. C'est la méthode appliquée par Laurent Mertin et son équipe de l'INSERM en utilisant des mini-génomes modifiés du virus. Leurs résultats ont été éprouvés à ce jour et pourraient même se transposer pour le virus Zika et celui du Nil occidental. Nous, notre intérêt, c'est principalement de mieux comprendre la biologie cellulaire de ces virus, comment ces virus infectent les cellules humaines et quelles sont dans la cellule les protéines de la cellule qui aident le virus à accomplir son cycle infectieux, car ils ont besoin des protéines, des voies biologiques de la cellule pour pouvoir se multiplier. Par conséquent, ils dépendent de certains facteurs cellulaires qui représentent en fait des talons d'Achille pour le virus, c'est-à-dire que ce sont des cibles que l'on peut identifier et sur lesquelles on peut agir pour interférer avec la capacité du virus à se multiplier dans les cellules. Là, dans notre cas particulier, en fait, il y avait au préalable beaucoup d'études qui s'intéressent à essayer d'identifier les facteurs cellulaires qui sont impliqués dans le cycle infectieux du virus de la dengue. Et beaucoup de ces approches, donc des approches par protéomique, donc dans lesquelles on va chercher des interactions entre une protéine virale et des protéines cellulaires, elles ont souvent été faites, ces approches-là, dans un contexte où les protéines virales étaient mises une à une dans la cellule, de façon unique, indépendante. Or, le problème, c'est qu'on sait très bien que la réplication du virus, en fait, c'est quelque chose qui est coordonné et qui va impliquer l'action coordonnée de plusieurs protéines virales. Par conséquent, pour contourner cette problématique, ce que l'on a généré, c'est qu'on a généré des petits, ce qu'on appelle des mini-génomes, qui vont coder pour toutes les protéines nécessaires à la réplication du virus, mais qui n'aura pas, par contre, les protéines qui sont nécessaires à la formation des particules virales. Par conséquent, on a un système dans lequel la cellule va être capable de répliquer l'ARN viral, mais ne pourra pas produire de virus, donc ne pourra pas générer des particules infectieuses. Et donc là, on a un bon modèle, parce qu'on a un modèle dans lequel toutes les étapes de réplication naturelle du virus vont avoir lieu. Et donc là, on peut identifier les facteurs cellulaires qui rentrent dans ces complexes. Quand on sait que le virus en question est un virus ARN monocaténaire, mm-hmm. on dit, qui mesure environ 11 kilobases, appelle un mini-génome? En fait, dans les 11 kilobases, vous avez deux régions, on fait un schéma assez simple. Il y a une partie des protéines, ce qu'on appelle les protéines non structurales, dont la fonction va être de permettre la réplication du virus. Alors que ce soit mécaniquement, par une activité enzymatique de synthèse de l'ARN, donc par une réplicase ARN dépendante, une polymérase ARN dépendante, et aussi d'interférer avec donc les mécanismes de la cellule qui vont être impliqués dans les mutéinés. Et donc, au sein de ces polyprotéines, il y a ces deux segments, un qui concerne plutôt des protéines non structurales, nécessaires à la réplication, et trois autres qui vont coder pour les protéines structurales à proprement parler, qui servent à la formation de la particule virale. Et donc nous, en fait, le mini-génome, c'est un génome qui est dépourvu des trois protéines structurales. Donc on a choisi de prendre donc la protéine non structurante 1, NS1, du virus, qui est donc une protéine qui va rentrer dans la mise en place, avec d'autres protéines virales, dans la mise en place de ce qu'on appelle le complexe de réplication. Donc au niveau de la cellule, il y a des structures qui vont être induites par le virus, des invaginations de la membrane du réticulum endoplasmique, au sein desquelles l'ARN viral va pouvoir se multiplier. Donc ça va être sous l'action de protéines non structurales virales, mais aussi de protéines cellulaires. Et donc pour identifier quels sont tous les partenaires qui rentrent dans la formation de ces complexes, qui sont essentiels à la réplication du virus. Si ces complexes ne sont pas mis en place, le virus ne peut pas répliquer. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a utilisé donc la protéine NS1 comme proie pour immunoprécipiter l'ensemble des partenaires cellulaires et viraux qui s'associent avec la protéine NS1 durant l'infection. Alors, il y a cette partie de connaissances assez fondamentales que vous avez pu mettre à jour. En quoi elles peuvent servir pour développer des nouvelles cibles thérapeutiques ? En fait, on utilise l'idée qu'il existe parmi les facteurs cellulaires dont le virus dépend pour pouvoir se multiplier, certains de ces facteurs vont être des cibles thérapeutiques potentielles. Par exemple, si vous avez un récepteur, vous connaissez le récepteur d'un virus. Si vous pouvez bloquer l'interaction du virus avec son récepteur, vous empêchez l'infection d'avoir lieu. Donc voilà, donc c'est la même approche, mais là, cette fois-ci, avec des facteurs qui sont à l'intérieur de la cellule. Alors, quel pas reste à franchir pour développer des thérapies ? Par exemple, dans ce travail, nous avons identifié un complexe, donc qui s'appelle le complexe OST, dont la fonction est au niveau du réticulum endoplasmique de transférer donc, ce qu'on appelle des glycans, des oligosaccharides, sur les protéines. Or, il y a trois protéines virales, les protéines de structure, donc les deux protéines de structure du virus, que sont la E et la PRM, sont des protéines glycosylées. En plus, la protéine NS1, cette protéine non structurale, est elle aussi glycosylée. Par conséquent, nous avons mis en évidence que la glycosylation par ce complexe joue un rôle crucial dans l'infection du virus. C'est-à-dire que si on interfère avec la capacité de l'OST d'avoir sa fonction biologique, on réduit considérablement l'infection. Et ça nous a permis d'utiliser un inhibiteur, puisqu'il y a des inhibiteurs qui sont développés dans différentes maladies, notamment dans les cancers. Et donc, justement, il y avait un inhibiteur qui est en phase clinique dans le cas de traitement de cancer et qui intervient sur ce complexe OST. Et on a pu mettre en évidence que quand on traite des cellules avec cet inhibiteur, on inhibe l'infection virale. Voilà ces pistes de recherche sur les inhibiteurs à l'hôpital Saint-Louis, peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre et à cette recherche en particulier, André Cabier ? C'est tout à fait passionnant et effectivement, ça fait des années qu'on attend la découverte de molécules. Cette démarche ainsi exposée est tout à fait remarquable et il faut bien aussi comprendre que c'est par une démarche analogue qu'on a pu trouver de très nombreux traitements maintenant contre le virus de l'hépatite C et être en passe d'éradiquer cette infection virale. Et donc, on espère pouvoir faire la même chose avec le virus de la dengue. En sachant que ce qui est plus compliqué, c'est que finalement, la phase de réplication active du virus dure 5 jours. Et donc, finalement, le fait d'avoir un médicament actif au laboratoire ne voudra pas forcément dire efficacité clinique. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'on a vécu avec le SARS-CoV-2 et le Covid, et où on a bien mesuré l'importance d'avoir des essais cliniques bien menés avant d'affirmer qu'un médicament était actif ou pas. Et donc, il faudra aller jusqu'au bout de la démarche aussi lorsqu'on aura des molécules actives. Louis Lambrecht, votre réaction à ce que vous venez d'entendre. Et puis, généralement, on peut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement de traitement contre la dengue. On traite les symptômes, mais on ne traite pas la maladie, le virus à proprement parler. Oui, alors effectivement, c'est très compliqué de développer des traitements contre la dengue, et notamment dans le cadre de développement de vaccins, ce qui complique considérablement la tâche, c'est le fait qu'il y a ces 4 sérotypes, et le fait que de protéger contre l'un, finalement, peut aggraver la situation envers les autres. Et donc l'enjeu, notamment pour les vaccins, c'est d'avoir ce qu'on appelle une stratégie tétravalente, où on va protéger contre les 4 sérotypes à la fois. Et quand on n'y arrive pas, c'est un fiasco, ce qui a été un petit peu le cas pour le vaccin Sanofi, dont on va peut-être parler un peu plus en détail. Oui, bien sûr. Et pour lequel, malheureusement, on a l'impression que ce vaccin joue le rôle d'une primo-infection. C'est-à-dire que pour des gens qui étaient séronégatifs avant la vaccination, le vaccin aggrave finalement la situation lors d'une nouvelle infection naturelle. Et donc, il faut vraiment, je pense, développer à la fois ces techniques de prévention comme la vaccination, et puis les stratégies antivirales dont on vient d'entendre parler, et c'est vrai que c'est passionnant, mais au final, je pense qu'on peut pas ne se focaliser que sur une seule approche, puisque c'est rare qu'il y ait une seule méthode qui suffise à nous débarrasser d'une maladie aussi compliquée que la dengue. Actuellement, la stratégie de prévention qui est la plus utilisées, parce que c'est finalement la seule qui marche, même si elle ne marche pas parfaitement, c'est le contrôle des vecteurs, c'est-à-dire la lutte contre les moustiques. Bien sûr, on va revenir sur le contrôle des vecteurs et la lutte contre les moustiques, mais j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé avec ce vaccin Sanofi, parce que on en a entendu parler également ces dernières semaines ou ces derniers mois, notamment de la part de personnes qui étaient un peu inquiètes du développement à marche forcée, de la rapidité du développement du vaccin contre le Covid. Il est vrai que cette histoire de vaccin contre la dengue est l'histoire d'un échec vaccinal, mais peut-être que c'est intéressant de comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi, in fine, Sanofi a été obligé de retirer son vaccin du marché. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, Lou Lambrecht ? En fait, ça fait des années qu'on attend un vaccin contre la dengue et Sanofi avait développé ce candidat qui a été appelé lors de sa commercialisation Dengvaxia. C'était le premier vaccin contre la dengue qui était commercialisé et il a été déployé dans plusieurs pays. Très vite après les derniers essais cliniques qui étaient relativement prometteurs, même si l'efficacité n'était pas forcément extraordinaire. Maintenant qu'on sait quelle efficacité on peut obtenir avec un vaccin, celui de la dengue, c'était environ 56%. Alors c'est toujours mieux que rien, hein, mais effectivement on est loin des 95% des premiers vaccins contre le Covid. J'avais 59,2%, malheureusement, mais bon, enfin, on va pas chipoter sur 3% et quelques. Oui, alors mais, après, enfin, voilà, effectivement. Bon, entre 55 et 60%, disons. Allons-y. Et donc, c'était quand même suffisant comme efficacité pour que le vaccin soit utile. Sauf que très vite, et notamment aux Philippines, il y a eu des décès associés à la vaccination. Et on s'est rendu compte que c'était des enfants qui avaient été vaccinés alors qu'ils étaient séronégatifs. Et l'analyse statistique de Sanofi elle-même, hein, c'est des résultats qu'ils ont publiés eux-mêmes, et il y a eu un communiqué associé, a révélé qu'en fait, la vaccination chez ces individus qui étaient séronégatifs augmentait le risque de dengue sévère lors d'une nouvelle infection. Et donc, la vaccination n'était plus recommandée que pour des individus déjà séropositifs, des gens qui avaient déjà été infectés naturellement par l'un des virus de la dengue. Ce qui réduisait considérablement, finalement, l'intérêt de ce vaccin, puisqu'il s'il faut ne vacciner que des gens qui ont déjà été infectés, ça veut dire déjà qu'il faut pouvoir les identifier, donc une stratégie de dépistage, de tests sérologiques, oui, bien sûr. De dépistage. Ce qui complique le déploiement du vaccin et qui du coup empêche une grande partie de la population d'être vaccinée puisque les gens sont séronégatifs. Peut-être André Cabier, un mot également sur ce qu'on a appelé le fiasco du vaccin Sanofi. Alors oui, je crois que peut-être en complément de ce qui vient d'être dit, effectivement, c'était une grande déception parce que toutes les phases de développement préclinique étaient tout à fait prometteuses. Après, on se retrouve avec la problématique de la facilitation immunologique et de la vaccination contre la dengue. Cependant, dans nos réflexions, que ce soit en termes de recherche ou d'application de l'utilisation de ce vaccin aux Antilles, par exemple, on a en fait, c'est un vaccin qui a probablement quand même un intérêt dans des populations très à risque, et je pense aux personnes drépanocytaires, aux Antilles comme en Guyane, les drépanocytaires, notamment les personnes atteintes d'une forme particulière dite SC, sont très à risque de formes graves et de décès. Quasiment à chaque épidémie, lorsqu'on observe des décès, près de la moitié des décès sont survenus chez des drépanocytaires, et donc dans des populations très ciblées de ce type, chez lesquelles on peut facilement se donner les moyens de savoir si elles ont eu la dengue ou pas, finalement, après une première dengue, proposer la vaccination permettrait oui. Donc d'éviter la survenue de cette dengue secondaire, et donc dans des populations très à risque ciblées, il y a quand même un intérêt à ce vaccin. Est-ce qu'il y a d'autres pistes aujourd'hui de recherche vaccinale en cours qui pourraient aboutir à un vaccin qui aurait de meilleurs résultats que ce vaccin raté de Sanofi ? Alors, il y a eu publication de plusieurs résultats d'un autre vaccin produit par la firme Takeda. Alors, notamment, ces publications sont survenues là au mois de mars-avril dernier. On était très occupés par l'émergence de la Covid, donc on n'en a pas entendu parler. Donc c'est de nouveaux résultats. Là encore, on a l'impression qu'on a un vaccin qui n'est pas parfait, qui a une efficacité principalement sur un des quatre sérotypes, qui est le sérotype 2, Alors nous, ça nous intéresse car c'est un sérotype très souvent associé à la gravité, mais néanmoins, il ne fonctionne bien que sur un des sérotypes et, en tout cas, quand on regarde ces publications, on n'avait pas encore de recul suffisant pour voir si le phénomène observé avec le vaccin de Sanofi Pasteur, c'est-à-dire l'apparition secondaire de formes graves chez des personnes vaccinées, eh bien, on n'avait pas le recul suffisant pour pouvoir savoir si ce risque allait aussi être observé avec ce vaccin. Et puis, il y a encore d'autres vaccins qui sont en phase 1, 2 et 3. Donc, la recherche vaccinale est assez active, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui s'est passé avec le vaccin de Sanofi Pasteur, nous incite à être très vigilants et à réclamer du recul avant de pouvoir l'utiliser. Mais là, je le répète, c'est important parce qu'on parle beaucoup de vaccination en ce moment. Le problème qu'on a avec la dengue, c'est parce qu'on a 4 virus. La Covid, il n'y a qu'un seul virus et donc on n'a pas ces problèmes de facilitation immunologique et et d'effets qui peuvent survenir à distance de la vaccination. Oui, et puis on peut préciser que la stratégie vaccinale n'était pas du tout la même que celle qui est développée en ce moment par les différents vaccins dont on peut parler. Ce ne sont pas des vaccins ARN, ce sont des vaccins tétravalents recombinants, c'est tout autre chose. Donc on ne mélange évidemment pas les deux catégories de vaccination. Peut-être un mot sur les stratégies vaccinales en cours. Louis Lambrecht, évidemment, cette histoire de Sanofi a un peu refroidi les ardeurs des laboratoires, mais néanmoins, il y a toujours de la recherche en cours. Oui, bien sûr, le vaccin, c'est la méthode de prévention par excellence, donc on ne va pas abandonner pour autant. C'était une déception, le vaccin Sanofi Pasteur, parce qu'on l'attend depuis un moment, ce vaccin contre la dengue. Là, effectivement, même si certains spécialistes avaient prédit que ce phénomène pouvait se produire, hein, le phénomène de facilitation par les anticorps, si c'est effectivement lui qui est responsable de cet effet pervers du vaccin, on le connaissait déjà. Donc est-ce qu'on est allé trop vite? Je ne sais pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et je pense qu'il faut retourner à la tâche. On va parler de l'autre biais, de l'autre voie de lutte contre la dengue. Il s'agit de la lutte donc contre les moustiques, contre les vecteurs de la maladie. Et là, on a l'impression aussi qu'on est un peu dans une forme d'impasse, hein, parce que les moustiques développent des résistances contre les agents chimiques. Il y a deux pistes principales. Il y a des pistes d'adjonction de bactéries, des pistes donc biologiques, hein, d'infection des moustiques par une bactérie extérieure, et d'autres pistes qui sont des pistes génétiques, Louis Lambrecht. Oui, alors tout à fait. Là, je dirais qu'on n'est pas du tout dans une situation d'impasse. Au contraire, il y a énormément de méthodes en cours de développement qui sont très prometteuses. L'avenir nous dira si elles marchent, on assiste ces dernières années à une explosion finalement de pistes de recherche qui sont en train de se transformer progressivement en des outils de lutte. Le chemin est long, hein, entre le moment où au laboratoire on fait une expérience qui laisse penser qu'on pourrait utiliser une découverte pour contrôler la dengue et le moment où cette méthode est déployée à grande échelle pour contrôler une maladie à travers le monde. Celle à laquelle je pense en particulier, c'est l'utilisation de cette bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui est une bactérie intracellulaire qui est transmise par hérédité maternelle, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, et qui est présente chez 60% des insectes. Il s'avère qu'elle n'est pas présente naturellement chez Aedes aegypti, le vecteur principal des virus de la dengue, mais qu'on l'a introduite artificiellement. Donc ces moustiques ont été transfectés, et il y a un grand programme piloté par le World Mosquito Program qui est en train de tester un peu sous la forme d'essais cliniques, mais au niveau entomologique, si effectivement de relâcher des moustiques qui sont infectés par la bactérie Wolbachia peut entraver la transmission de la dengue. Parce que cette bactérie a beaucoup de propriétés, et notamment elle a la propriété de protéger les moustiques contre l'infection par les virus. On n'en a pas forcément parlé, mais au cours du cycle de transmission des virus de la dengue, lorsqu'un moustique prélève le virus dans le sang d'une personne virémique, il y a également un cycle qui a lieu dans son corps. Entre le moment où il ingère les virus dans le tube digestif avec le sang et le moment où il est capable de retransmettre le virus par piqûre via la salive, dans son corps, il y a tout un ensemble de mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont en place. La bactérie Wolbachia, même si on ne sait pas exactement comment elle s'y prend, lorsqu'elle est dans le corps du moustique, elle le protège contre cette infection, ou en tout cas, elle diminue le risque de transmission ultérieure. Et donc, en remplaçant des moustiques sauvages dans les populations naturelles par des moustiques qui ont été transfectés par Wolbachia, c'est-à-dire qui sont artificiellement porteurs de la bactérie, on diminue le risque de transmission. Il n'est pas réduit à zéro pour l'instant, mais il est suffisamment réduit pour espérer avoir un effet sur l'incidence de la maladie. Et les premiers résultats qui ont lieu en Indonésie notamment actuellement, qui sont un peu l'équivalent d'essais cliniques, comme je disais, laisse penser que la protection est tout à fait détectable. Et la publication la plus récente parle de 73% de réduction estimée de l'incidence de la dengue dans la zone où les moustiques sont porteurs de la bactérie par rapport à une zone témoin où les moustiques sont sauvages. Il y a cette piste-là, il y a aussi la piste de modification génétique, alors qu'ils sont plus contestés de ces vecteurs, de ces moustiques, Aedes aegypti et Aedes albopictus. André Cabier, vous pouvez nous en dire un mot très rapidement ? Écoutez, je préférerais que mon collègue de l'Institut Pasteur réponde à cette question. Louis Lambrecht, c'est vrai que vous êtes. Désolé, Louis Lambrecht, à vous pour cette question. Vraiment, on arrive à la fin de l'émission, donc une réponse assez courte, s'il vous plaît. Alors très brièvement, oui, les techniques génétiques de manipulation de moustiques en vue de contrôler la transmission des pathogènes, il y en a plusieurs en cours de développement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles sont un peu plus controversées dans le sens où on rentre dans une problématique d'OGM. Là, il s'agit de relâcher des moustiques qui sont génétiquement modifiés dans la nature. Certains vont s'éteindre par eux-mêmes puisqu'ils sont conçus pour ça, ils sont conçus pour éliminer finalement les moustiques sauvages en s'appariant avec eux. D'autres sont conçus pour rester plus longtemps ou pour répandre une construction dans une population. C'est ce qu'on appelle le forçage génétique. Quoi qu'il en soit, ces méthodes sont en cours de développement et ont tous un potentiel assez énorme. Mais là encore, la route est longue entre le moment où on fait la preuve de principe en laboratoire et le moment où on a passé toutes les étapes régulatoires, que la population est prête à adopter une telle mesure et qu'on peut le déployer à grande échelle. Il y a encore des années qui vont s'écouler. Un dernier mot. Alors, si on quitte les moustiques, on parle de recherche en chimie de l'intime qui pourrait être basée sur les recherches qui ont été faites sur le microbiote de la peau des personnes qui attirent, comme moi, qui sont des véritables pièges à moustiques. Moi, vous mettez un moustique dans une pièce, j'ai 19 piqûres. Il y a des pistes intéressantes de ce côté-là, Louis Lambrecht ? Oui, alors il y a toutes sortes de choses qui se développent et les gens ne manquent pas d'imagination et c'est très bien comme ça. Il y a plein de nouvelles techniques de piégeage qui sont justement basées sur des molécules attractives. Ces dernières années, on a assisté à un essor de l'étude de l'olfaction et maintenant même du goût du moustique. Qu'est-ce qui lui permet de justement repérer son hôte? Même si on connaît quand même les grandes lignes, le détail de pourquoi une personne attire les moustiques plus qu'une autre, ça c'est encore vraiment un champ de recherche. Il y a beaucoup d'inconnus à résoudre. Mais c'est vrai que le jour où on comprendra un peu mieux toutes ces choses-là, on peut imaginer des répulsifs ou des attractants, ou peut-être les deux à la fois, qui nous permettront de nous débarrasser des moustiques, en tout cas ceux qui transmettent des pathogènes. Il faudrait que je livre mon corps à la science. Merci beaucoup à tous les deux. Merci André Cabier, merci Louis Lambrecht d'être venu nous parler de la dengue. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales, Eve Etienne, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Hélène Trigueros à la réalisation, Jérémy Kaufmann à la technique. Demain, nous parlerons du bal de deux géantes qui étaient, il y a quelques semaines, confondues en un point à l'horizon pour la première fois depuis des centaines d'années. C'était la grande conjonction Saturne et Jupiter, nos deux géantes gazeuses. Quelles relations entretiennent-elles et comment ont-elles forgé la configuration finale de notre système solaire ? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.